François Kimana sur la mise en onde, bienvenue à cette édition de ce 24 août 2021. Donc voici d'abord le sommaire. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, déplore le dysfonctionnement des magistrats œuvrant en mairie de Bujumbura lors de la rencontre avec ces derniers ce mardi en zone urbaine de Nyakabiga. Il leur a demandé à se ressaisir. Ouverture ce mardi de l'Assemblée en plénière des membres du Conseil national de la communication qui va durer 2 jours. Le vice-président du CNC a indiqué à la presse que les dossiers des médias sous sanction avancent positivement, vous l'entendrez dans ce journal. Et la chronique santé de ce mardi nous parle de la hernie inguinale avec le docteur chirurgien Len Habimana. Bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, le dossier des médias sous sanction avance positivement. C'est une déclaration du vice-président du Conseil national de la communication ce mardi lors de l'ouverture de l'Assemblée en plénière des membres de ce conseil qui va durer 2 jours. Laurent Kaganda indique que 10 dossiers des 10 médias qui ont demandé la permission d'ouvrir seront analysés ainsi que le remplacement des membres qui sont partis. Suivez le vice-président du CNC, Laurent Kaganda, dans ses propos recueillis par Arthur Kababouchi. Les membres du Conseil national de la communication se réunissent aujourd'hui et demain après lecture du procès verbal de l'Assemblée plénière extraordinaire qui a été tenue en date du 21 avril 2021. Nous allons le lire et faire des échanges afin de le valider. Il sera ensuite fait une présentation synthétique et ramasser des activités réalisées par le Conseil national de la communication au cours de l'exercice écoulé, c'est-à-dire l'exercice 2020-2021. On analysera aussi les fautes professionnelles qui ont été enregistrées au cours de l'exercice écoulé. Et comme il y a des gens qui ont demandé qu'ils ouvrent des organes de presse, les membres du Conseil national de la communication auront l'occasion d'analyser très profondément les dossiers de demande des autorisations d'exploitation de certains organes de presse. Il s'agit d'une dizaine de dossiers qui vont être traités très profondément afin que les membres puissent vraiment prendre des décisions mûres comme nous l'avons. En général, l'évolution est positive parce que les médias sous sanction, nous sommes en contact, faisons toujours des échanges. Je sais bien que vous voulez parler, même si vous ne l'avez pas précisé, de la BBC et de la VOA. Il faut aussi ajouter la radio Numbero FM de Ngozi. Nous sommes toujours en contact avec les responsables et nous pensons que d'ici peu de jours, une solution sera trouvée dans l'intérêt de ces radios et dans l'intérêt aussi de tous les Burundais. C'était le vice-président du Conseil national de la communication, Laurent Kaganda. L'un des centres de dépistage de COVID-19 situé au Bon Accueil en zone Bouidza de la commune urbaine de Mukaza se remarque une grande foule de gens qui viennent se faire dépister. Le constat est que les gens se bousculent pour avoir des numéros. Yvette Nijimbere a fait un constat. À 9h30, la salle d'attente du centre Bon Accueil était pleine de gens. Les uns sont assis, les autres debout, attendant d'avoir des numéros pour confirmer leur identité et se faire dépister du COVID-19. Ceux ayant reçu leur numéro se bousculent sur les lignes d'attente devant le bâtiment. Dans ce centre, les hommes, les femmes et même les enfants viennent se faire dépister. Le constat est que la distanciation entre ces derniers n'est pas respecté. Interrogés, certains d'entre eux affirment qu'ils sont là depuis 4 heures du matin et que le processus de dépistage semble être lent. Ceux qui sont venus pour faire le contrôle sont orientés vers un autre endroit d'attente. En dehors du centre de dépistage Bouidza, dit au Bon Accueil, la commune Emuha et Nahangwa héberge aussi des autres centres de dépistage. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page gouvernance à présent, la mise en garde délancée par l'administrateur de la commune Ngozi de débuter la démolition des constructions ne respectait pas les 6 mètres de part et d'autre de la route nationale au plus tard ce lundi à midi a été respectée à 90%. Joseph Martin Bouchoumi dit être satisfait de la façon dont les concernés ont répondu à l'appel, précisant que ceux qui n'ont pas exécuté ont demandé une dérogation spéciale pour déménager les détails avec Apollinaire Muzagara. Le mot signale que l'élément d'Apollinaire Muzagara n'est pas disponible de l'autre côté de la vitrine. Sécurité routière à présent, un motard mort sur le champ, 4 personnes blessées et une boutique démolie. Tel est le bilan d'un accident d'un véhicule de type Ben survenu ce matin à la 2e avenue du quartier Nyamugari dans la capitale politique de Gitega. Selon le chef de zone Gitega urbain, Boutoy Youssani, c'est un veilleur de nuit qui a démarré la benne de son patron et qui l'a conduit avant qu'elle ne remplisse l'air nécessaire pour son système de freinage. Ce veilleur qui lave aussi les véhicules et collecte des frais de lavage des véhicules pour son patron n'a probablement pas de permis de conduire, d'où il a aussitôt pris fuite, indiquent les témoins oculaires. Les parents en province Boubanza demandent aux autorités scolaires d'accueillir tous les enfants en âge de scolarité et qu'aucun enfant ne reste à la maison par manque de place. C'est au moment où certains responsables scolaires indiquent que la capacité d'accueil en première année est déjà largement dépassée pour l'année scolaire prochaine. Les détails avec Space Caritas Kabanyana. Umukuru w'umutumba Bwiza bwa Ninga arico gisagara ca gatandatu muri commune Gihanga amenyesha ko ishure nshingiro l'élément français n'est pas disponible, je vous le disais, que les parents en province de Boubanza demandent aux autorités scolaires d'accueillir tous les enfants en âge de scolarité, qu'aucun enfant ne reste à la maison pour manque de place. C'est au moment où certains responsables scolaires indiquent que la capacité d'accueil en première année est déjà largement dépassée pour l'année scolaire prochaine. L'élément n'est toujours pas disponible. Une trentaine d'entreprises burundaises ont jusqu'ici bénéficié des intervenants du Fonds de solidarité africain. Parmi ces dernières figurent celles qui sont encore opérationnelles, comme la Sosumo, Régie des Eaux, mais il y a celles qui ne le sont plus, comme la Fricel. C'est ce qu'a dit ce mardi le président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie au Burundi lors du forum à l'endroit des entreprises burundaises. De son côté, le président du Fonds de la solidarité africain a souligné que leur présence au Burundi et d'intervenir dans n'importe quel secteur des entreprises ou banques comme ils le font dans les 14 pays membres du Fonds de la solidarité africain. Une courte pause. Revenons sur la page justice. Plus de 30 000 plaintes sont reçues au quotidien par le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, affirme que la plupart de ces plaintes sont fondées. Le président de la République l'a dit ce mardi à Mairie de Bujumbura dans une rencontre avec les magistrats de la capitale économique et le numéro 1 burundais. S'indigne également que les investisseurs étrangers n'amènent plus leurs capitaux au Burundi du fait qu'ils sont accusés à tort par ces magistrats. Il indique que les Burundais sont déçus. On l'écoute dans cette traduction de Merndouaille. C'était la source d'un salaire élevé. Malheureusement, Vous avez détourné tout l'argent et ça ne vous empêche pas de demander au gouvernement la hausse de vos salaires. Les Burundais sont en détresse. Leurs pleurs me sont parvenus. Je me suis décidé de pleurer devant vous en leur place. Vous n'avez pas pitié de moi quand je pleure devant vous alors que je suis le père de la nation. Imaginez-vous, chaque jour, je reçois plus de 1000 plaintes réellement fondées. Vous ne verrez jamais toute la population réunie devant vous pour porter leurs plaintes. Mais vous les magistrats, qui ne vous comptez même pas à 10 000, vous leur faites subir le traitement injuste. Au nom de toute la nation, je pleure. Les investisseurs privés ne viennent plus ici pour investir parce que vous détournez leurs capitaux étant donné qu'ils seront incapables de porter plainte contre vous. Paradoxalement, vous souhaitez le développement. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a non plus de développement. Même votre concitoyen n'a plus le courage de réaliser son projet et préfère le laisser à cause de votre comportement. Alors, comment le pays peut se développer? Comment pourrez-vous avoir des véhicules pour votre déplacement? Comment pourriez-vous avoir vos bureaux au cas où vous ne voulez pas que votre pays accède au développement? Aucun développement n'est possible dans un pays sans justice. Le chef de l'État n'a pas été traduit par Omer Ndouaye, mais plutôt par Arthur Kavamouchi. L'obscurité règne sur la majorité des avenues et boulevards de la mairie de Bujumbura. À la tombée de la nuit, les lampes sont soit défectueuses, soit ont été volées. Le constat, par contre, est que les parkings des bus vers le nord et le sud de la capitale Bujumbura sont tous éclairés, ce qui facilite les passagers. Armène Moutouré a fait le tour de la ville de Bujumbura dans la soirée de ce lundi. Son reportage. L'éclairage de la voirie en mairie de Bujumbura est quasi inexistant. Les poteaux d'éclairage ont à certains endroits été détériorés. À d'autres endroits, les lampes ont été dérobées. Là où nous avons fait le tour ce lundi soir, l'obscurité règne sur la majorité des avenues et boulevards de la ville de Bujumbura. Sur le boulevard Melchior Ndadaye, au niveau de l'ancien palais du 1er novembre, jusqu'au niveau de la Braroudi, l'éclairage y est inexistant. L'avenue de l'Oyua, quittant le niveau de la Cogerco, la compagnie de gérance du coton, jusqu'au marché de Kotebou, est elle aussi dans l'obscurité. Le noir est aussi observé sur le boulevard Mwambutsa, passant devant le palais des congrès de Kigobe. Le boulevard Mwedigisabo, anciennement dénommé boulevard du 28 novembre, n'est pas également éclairé la nuit. Les poteaux d'éclairage datant de longtemps. L'autre endroit visité est le boulevard du peuple Murundi, reliant le centre-ville et les quartiers du nord de la capitale économique. Là aussi, certains poteaux d'éclairage sont défectueux. Sur d'autres, les lampes ont été volées. Le boulevard de l'Uprona, joignant l'université du Burundi et l'ancien hôtel Novotel, est par contre éclairé en partie. La seule partie non éclairée se trouve entre l'embouchure avec l'avenue Muyinga et l'embouchure avec l'avenue de l'Amitié, sur laquelle se trouvent les enceintes de la radio-télévision Isanganiro. Le bon exemple est celui de l'avenue de l'UNESCO, longeant la clôture de l'université du Burundi à Nyakabiga 3, et celui de l'avenue de la République, séparant Nyakabiga 3 et Nyakabiga 2 en commune Mukadza, où les natifs se sont mis ensemble et ont éclairé totalement les deux avenues. Un exemple à suivre pour les autres zones de la mairie de Bujumbura. L'autre constat est que le parking de bus de transport vers le nord et celui des bus vers le sud sont présentement éclairés, ce qui facilite les passagers pendant les files d'attente. L'éclairage public fait partie des objectifs prioritaires de l'actuelle administration de la mairie de Bujumbura. Isanganiro. Revenons sur la page éducation dans les provinces de Bubanza et Gitega. Les parents en province Bubanza demandent aux autorités scolaires d'accueillir tous les enfants en âge de scolarité et qu'aucun enfant ne reste à la maison par manque de place. C'est au moment où certains responsables scolaires indiquent que la capacité d'accueil en première année est déjà largement dépassée pour l'année scolaire prochaine. Les détails avec Spescartas Kavanyan. Le chef de Corinne Bwiza Bwaninga, également appelé village 6 de la commune Gihanga, indique que l'école fondamentale de ce village a déjà enregistré 270 élèves en première année et qu'aucun autre enfant ne peut être inscrit car la capacité d'accueil est déjà largement dépassée. Cet administratif à la base fait également savoir que le nombre d'enfants en âge de scolarité sur cette colline n'est pas connu. Cette école fondamentale est l'une parmi beaucoup d'autres qui ont déjà enregistré un nombre d'enfants très élevé en première année, comme l'explique le directeur communal de l'enseignement. Exactement. Je viens de recevoir des coups de téléphone et en provenance des directeurs de certaines écofo, à savoir le directeur de l'écofo Gizabwaninga, le directeur de l'écofo Manda Village 5, le directeur de l'écofo Buramata, le directeur de l'écofo Rugunga, là où actuellement où nous sommes, ils enregistrent un effectif de plus de 100 élèves de chaque groupe pédagogique en première année. Vous comprenez que c'est un mouvement insupportable à voir qu'il y a un manque criant de bas pupitres, un manque criant de salles de classe. Bonaventure Ndayiziga, directeur communal de l'enseignement à Gihanga, fait également savoir ce qui est en train d'être fait pour résoudre ce problème. Ce que nous faisons, c'est toujours de collaborer étroitement avec l'administration communale, de collaborer étroitement avec les natifs de la commune Gihanga, en vue de pouvoir arrêter d'autres stratégies dans le but de remédier dans le plus bref délai ce problème des classes pléthoriques. Le directeur communal de l'enseignement précise aussi que la priorité est d'avoir des enseignants, des salles de classe et des bancs pupitres. Les parents contactés de leur côté demandent que tous les enfants en âge de scolarité soient accueillis dans les différentes écoles et qu'ils suivent les leçons dans de bonnes conditions. Et à Gitega, l'école fondamentale Gisebuzi, 6 ans commune et province Gitega, est la seule à ne pas être représentée dans la formation des membres des comités de gestion des écoles en cours dans la province de Gitega. Le directeur communal de l'éducation à Gitega dit que c'est une perte pour cette école et jette le tort au directeur des écoles fondamentales Gisebuzi 1 et Gisebuzi 2 qui n'a pas transmis la liste des membres du comité de gestion des écoles fondamentales Gisebuzi 2 à participer à la dite formation. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé de ce mardi, l'on parle de la hernie inguinale lorsque les viscères ne sont plus contenus dans la cavité abdominale et sortent de la paroi par un orifice. Docteur Lin Habiman, chirurgien, précise que cette maladie peut être congénitale ou être acquise. La grosseur en bas de l'abdomen est l'un des symptômes majeurs de cette maladie et que cette maladie touche beaucoup plus le sexe masculin selon ce chirurgien. Les détails avec Ornella Mucho. L'hernie inguinale correspond au déplacement d'un organe ou d'une partie d'un organe par un orifice naturel de l'organisme. Le chirurgien Lin Habiman précise qu'elle peut être acquise et cela est dû à une faiblesse des muscles abdominaux. La hernie inguinale peut être congénitale. Ça peut aussi être acquis. Congénitale, ça veut dire, c'est, par exemple, chez le garçon, donc les testicules sont dans la cavité abdominale. Mais comme il fait extrêmement chaud dans la cavité abdominale, donc les testicules subissent une migration de la cavité abdominale vers le scrotum. Or, dans cette migration, donc, il y a un passage, et ce passage, normalement, il se ferme, mais il se peut qu'il ne soit pas hermétiquement fermé, ou bien même il peut rester béant. Et à ce moment, l'enfant peut naître avec une hernie. Ça peut aussi être acquis. Par exemple, avec l'âge, les muscles deviennent très faibles et on a une protrusion des viscères sous la peau. Mais aussi, par exemple, chez les gens qui font des travaux lourds, donc la pression qui est au niveau de la cavité abdominale s'échappe par ces zones de faiblesse. Ça se retrouve, par exemple, principalement chez les pêcheurs, les gens qui font de la pêche. Et ça peut se retrouver chez les gens qui soulèvent des poids lourds. L'apparition d'une boule au niveau de la partie située entre l'abdomen et la cuisse est l'un des symptômes prouvant l'existence de cette maladie. Bon, la hernie inguinale, la caractéristique, c'est que vous verrez une tuméfaction qui est au niveau de la région inguinale, laquelle tuméfaction, donc, qui peut descendre au niveau du scrotum, mais qui sont continues aussi vers la cavité abdominale. Alors, bon, les autres signes, là, c'est que, bon, ça, des fois, il y a ceux qui ont des douleurs inguino-scrotales, surtout quand ils ont fait un effort. L'hernie inguinale, touchant principalement le sexe masculin, doit être distinguée des autres pathologies qui touchent les organes génitaux. Ce qui le distingue, c'est que, par exemple, l'hydrocèle, quand l'enfant, par exemple, ou la personne se couche, il n'y a pas de réduction de volume. Mais pour les hernies, en fait, c'est quelque chose qui se voit, par exemple, à la position debout ou bien quand il y a un effort de tout, mais qui, des fois, quand on se couche, disparaît. Et des fois, quand on touche aussi, on sait qu'il y a ce gargouillement, donc des anses intestinales qui sont herniées. Principalement, le sexe masculin est plus touché, mais ça n'exclut pas aussi le sexe féminin. Mais le sexe masculin est le plus touché. Le plus touché, pourquoi? Parce qu'il y a eu ces migrations testiculaires qui peuvent rester des zones de faiblesse ou bien des zones qui sont ouvertes. Le traitement utilisé ainsi que les complications de l'hernie inguinale, c'est dans notre prochaine chronique santé avec toujours le chirurgien Lan Habiman. C'est sur cette chronique santé que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. Un bon après-midi à toutes et à tous.